Pour vous permettre de continuer à écouter les petites histoires gratuitement, nous faisons appel à des sponsors. En écoutant leurs messages publicitaires, vous nous permettez de continuer à imaginer des tas d'histoires. Merci de votre soutien. Et si vous ne voulez plus entendre de publicité, rendez-vous sur patreon.com/lph. patreon.com/lph. Les petites histoires, les petites histoires, les petites histoires, les petites histoires de Telming. Coucou les enfants! Aujourd'hui, Karine et Arnaud vont vous raconter Le village de l'abandon, une histoire écrite par mes soins. Bonne écoute! Une fois par an, Elliot trie ses jouets pour les donner à ceux qui n'en ont pas. Au début, c'était compliqué, il voulait tout garder. Mais il a vite vu qu'il y en avait qu'il ne sortait qu'une ou deux fois par an, et que ça ne servait à rien de les laisser prendre la poussière. Et depuis, le rituel du tri est devenu un vrai plaisir. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Elliot se sépare de ses pirates. Il y a encore une heure, sa chambre en était remplie. Son bureau était une île au trésor, sa table de chevet, un repère de Forban. Le parquet, un océan sur lequel des dizaines de bateaux s'affrontaient. Il les adorait, plus que tout. Et puis, Charlotte vint pour le goûter. Ah, Charlotte, une aventurière née, une championne d'acrobranche, une enquêtrice hors pair, experte des chasses aux œufs de Pâques, Elliot rêvait de l'embarquer dans l'une de ses histoires de corsaire. Sauf qu'en entrant dans sa chambre, Charlotte soupira. Ah, des pirates! Super! Bah, tu les aimes plus? Les pirates, c'est pour les enfants, Elliot. On est en 6e maintenant. Ouais, je suis trop d'accord. Je voulais juste montrer mon ancienne chambre. Demain, il n'y aura plus un pirate. Je vais les donner à des enfants qui en ont vraiment besoin. Waouh! Vraiment? Mais t'es trop génial! Elliot se sentit rougir. Son cœur pincé guérit aussitôt. Sauf qu'une fois seul face à sa chambre, la tristesse le submergea. T'en fais une tête? C'est parce que ton amoureuse est partie? Oh là, mais c'est pas mon amoureuse! Rien à voir! C'est juste que j'ai pris une grande décision. Les pirates, c'est fini. Tu ne préfères pas juste donner ceux avec lesquels tu ne joues plus? Mais non! Les pirates, c'est pour les bébés. Je suis en 6e maintenant, faut que je grandisse. Voilà pourquoi aujourd'hui, Elliot fait face à 5 cartons remplis à ras-bord de pirates. Seul rescapé de ce désamour soudain, le Fantastique. Une splendide frégate que ses parents lui avaient offerte pour ses 7 ans. La gorge serrée, Elliot aide ses parents à charger la voiture. Mais cette fois, il ne les accompagne pas. C'est au-dessus de ses forces. Il les regarde partir, puis remonte mollement dans sa chambre. Elle lui paraît terriblement vide. Dehors, il se met à pleuvoir, des trompes d'eau. Ça le console un peu. Elliot adore la pluie. Pour se changer les idées, il sort affronter les éléments déchaînés. Protégé par ses bottes en caoutchouc et son ciré noir sur lequel il avait dessiné une authentique tête de mort de pirate. Elliot court, saute, fait des cabrioles avant de bondir dans un petit trou rempli d'eau. Quelque chose craque sous ses pieds. C'est le bateau de Capitaine Mary. Son équipage flotte. Elliot se baisse pour les ramasser et se fiche de surprise. Loin d'être immobile, la demi-douzaine de bons hommes s'agite et crie à l'aide. Elliot les sauve de la noyade et les ramène à l'intérieur. Les pirates se sèchent avec de l'essuie-tout, puis Capitaine Mary prend la parole. On doit une fière chandelle, Elliot. Merci, mais comment ça se fait que vous soyez vivant? Aucune idée. Quand on s'est réveillé, ouais, j'imagine qu'on peut dire ça, ouais. On a eu une peur bleue. On était tellement paniqués qu'on a fait chavirer le bateau du carton. Je suis désolé de l'avoir cassé. J'ai pas fait attention. Pas grave. Avec ce déluge, on pensait sortir de ce trou d'eau et vivre une vie d'aventure. Mais c'est raté. Mais non, j'ai quelque chose qui devrait vous plaire. Elliot fonce dans sa chambre. Sur la table de la cuisine, les pirates échangent des regards étonnés. Mais lorsque Elliot revient avec le Fantastique, ils sont soufflés. On peut pas accepter, ce navire est trop précieux. Peut-être, mais vous avez besoin d'un bateau pour vivre vos aventures. Tu es sûr? Certain. Je vais vous aider à prendre le large. Tous à bord, les gars! Elliot amène le Fantastique et son nouvel équipage dehors. Il pleut à verse. Le trottoir est couvert d'un épais tapis d'eau. Les caniveaux sont devenus des torrents. Ce n'est peut-être pas le bon moment pour partir. Peut-être qu'on pourrait attendre cet été. On va toujours à la mer. L'aventure n'attend pas, mon garçon! Des picotements chatouillent Elliot, qui rapetissent lentement, très lentement, si bien que le fantastique se retrouve posé délicatement sur le trottoir. Complètement hébété, Elliot ne sait pas quelle émotion choisir, la peur ou l'émerveillement. Captain Marie lui jette une échelle de corde. C'est pas un temps à rester à terre! À bord, moussaillon! Le bateau glisse. Elliot grimpe à toute vitesse sur le pont, fonçant vers la barre. Captain Marie aboie des ordres. Tout le monde s'active. Elliot est totalement perdu. Tout à coup, le fantastique bascule dans le caniveau. Elliot allait passer par-dessus bord lorsqu'un pirate joufflu l'attrape par le pantalon et lui noue une corde autour de la taille. Ça va secouer, tenez-vous! Elliot se cramponne au bastingage juste avant que le fantastique ne plonge dans une bouche d'égout. La chute est vertigineuse. L'équipage retient son souffle. L'atterrissage est si violent que le bateau manque d'être submergé. Pas le temps de souffler. Le navire est emporté par les flots jusqu'à un tunnel gigantesque, faiblement éclairé par des ouvertures d'où jaillissent d'impressionnantes gerbes d'eau. Le bruit est assourdissant, l'air moite et parfumé d'une écœurante odeur de poubelle fermentée. Soudain, le fantastique tangue. Des remous l'entourent, puis il s'élève au-dessus de l'eau. Elliot panique. L'équipage ne bronche pas. Et pour cause, ils sont sur la carapace d'une tortue, ses petits l'accompagnent. Malheureusement, le spectacle est de courte durée. La mer émet un sifflement aigu avant de replonger, imité par ses rejetons. « Monstre, droit devant !» Elliot plisse les yeux. Au loin, deux boules luisantes fendent l'eau. Captain Marie donne un gros coup de barre à tribord. Une mâchoire surgit des flots et se referme pile à l'endroit où se trouvait le bateau. En retombant, la bête provoque une énorme vague qui propulse le fantastique. Personne ne panique. Bien au contraire, l'équipage entame un nouveau balai, concentré comme jamais. La bulle de peur qui paralyse Elliot éclate, libérant une énergie nouvelle. Il doit aider ses jouets. Et alors que tout le monde se prépare au combat, Elliot cherche une issue et la trouve en un rien de temps. « Capitaine Marie, là-bas, il y a une grille! C'est notre seule chance !» Sans un mot, la capitaine vire de bord. Un vent nauséabond gonfle les voiles. Le fantastique fuse vers sa nouvelle destination. Un grognement retentit. Elliot se retourne, l'alligator se jette sur eux. Le fantastique s'engouffre à travers la grille, laissant l'horrible reptile s'y encastrer dans un grondement de fureur. Les eaux verdâtres redeviennent calmes et tranquilles. Le navire glisse paisiblement, mais tout le monde reste aux aguets. « Terre en vue ! Non, mieux ! C'est un village ! Village en vue !» Elliot n'en croit pas ses yeux. La vigie a raison. C'est bien un village qui se dévoile à l'horizon. Des boîtes de conserve, des bouteilles en plastique et des cartons forment des maisons. Chaque fenêtre laisse échapper de la lumière. Il y a même un quai. Tandis que le fantastique accoste, un ours en peluche titanesque avance sur la jetée. Avec sa bouche cousue, des coutures qui balafrent son corps et un œil arraché, il n'a pas l'air commode. Il est accompagné d'une minuscule poupée radieuse, bien que sa robe de princesse soit passablement usée. Le fantastique largue ses amarres. L'ours les attache solidement. Tout le monde descend. Peu rassuré, Elliot se cache derrière les matelots. « Bienvenue au village de l'abandon. Je suis Éléonore, la mairesse. Et voici Ours, notre gardien. Curieux comme nom de bourgade. Et pourtant, il porte bien son nom. Nous avons tous été abandonnés, jetés à la poubelle. Sans qu'on sache pourquoi, nous nous sommes réveillés. Nous étions à la merci des intempéries, des animaux qui voulaient nous déchiqueter pour jouer, ou des humains qui nous piétinaient quand ils ne nous prenaient pas pour des ballons. Alors nous nous sommes réfugiés dans les sous-sols. Comment vous avez pu construire tout ça ? Les humains jettent tellement de choses, vous n'avez pas idée. Mais pourquoi vous n'êtes pas allé voir vos propriétaires pour leur parler ? Les pirates s'écartent pour qu'Éléonore puisse voir qui lui a parlé. Ours avance d'un pas, menaçant. Un humain, ici ? Oh, comment est-ce possible ? Captain Marie leur explique tout. Ours se détend. Éléonore les invite à la suivre dans la grande taverne construite dans un immense carton de déménagement. Tout le village les y rejoint, trop curieux de faire la connaissance des nouveaux venus. Alors que tout le monde s'installe, une nouvelle question brûle les lèvres d'Eliott. Vous ne regrettez pas votre vie d'avant ? Évidemment. Mais les enfants se lassent et grandissent. Peut-être que parfois ils se séparent trop vite de leurs jouets. Alors pourquoi ne pas nous garder dans un coin ? Parce que c'est utile de faire le tri. Regarde où ça nous a menés. On n'est pas encore très nombreux à donner nos vieux jouets. Je suis sûr que vous pouvez avoir une seconde vie. Qui voudrait de vieux jouets abîmés ? Moi ? Une vague d'étonnement parcourt l'assistance. Oui, je sais déjà où offrir mes jouets et je pourrais réparer ceux qui sont cassés ou leur trouver un nouveau foyer. Des picotements chatouillent Elliot, qui grandit si bien que le carton de l'auberge lui reste sur la tête. Elliot éclate d'un rire joyeux, les jouets sont médusés. Alors, qui veut remonter à la surface avec moi ? Une bonne vingtaine de jouets s'avancent, enthousiastes. Les autres se regroupent autour d'Éléonore et d'Ours. Nous restons. Ce village est notre foyer à présent. Je comprends. Et vous, Capitaine Marie ? Semblerait qu'on a un nouveau royaume à explorer. Les gars et moi, on ne peut pas y résister. Le village va nous servir de port d'attache. Et c'est comme ça qu'Eliot rentre chez lui, les bras chargés de vieux jouets. Tout crasseux et puant les égouts, il annonce à ses parents son nouveau passe-temps. Rafistoler des jouets abandonnés pour les redistribuer et faire plein d'heureux. Voilà les enfants, j'espère que l'histoire vous a plu. N'oubliez pas de nous mettre plein d'étoiles sur votre application de podcast et de nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux ou par mail, ça nous donne plein de force pour la suite. N'hésitez pas non plus à parler des petites histoires à vos copines, à vos copains et pourquoi pas à votre maîtresse ou à votre maître pour occuper les temps calmes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.